Bonjour et bienvenue dans ce petit podcast concernant la pleine lune d'avril 2022. Elle aura lieu le samedi 16 à 18h56 GMT, donc à 20h56 en France. Elle aura lieu à 26°46 pour être exact du signe de la balance. Alors cette pleine lune d'avril, elle va être aussi nommée lune rose. Alors donc c'est vrai qu'on donne ce nom à la pleine lune d'avril, ce n'est pas parce qu'elle va être rose, mais c'est en hommage au printemps et aux fleurs. Alors lorsqu'une pleine lune est en balance, donc quand elle se crée, en tout cas la pleine lune, eh bien le soleil est en bélier sur le zodiaque et la lune se situe juste en face de lui au degré près, en balance, et cela représente une opposition soleil-lune. La pleine lune en balance, elle nous rappelle nos engagements, les responsabilités que nous avons envers ceux que nous aimons, avec ceux avec lesquels nous sommes liés par amour, mais aussi par un contrat par exemple. Alors une pleine lune en balance nous demande de bien définir ce que nous attendons des autres et inversement, ce que nous pouvons leur apporter. C'est donc le moment de faire un petit bilan relationnel afin de changer ce qui ne fonctionne pas bien ou de faire perdurer ce qui marche. Cette pleine lune en balance, elle nous donne la possibilité de trouver l'équilibre, de nous libérer de ce qui nous pèse, comme aussi d'acquérir des aptitudes qui nous manquent pour atteindre nos buts. La pleine lune rose est le bon moment pour se nettoyer énergétiquement, pour oublier le stress accumulé lors de l'hiver et pour repartir avec de nouvelles énergies. Alors, concernant cette pleine lune du 16 avril 2022, on voit que la pleine lune en balance, elle est liée à Pluton et à Saturne. Donc elle peut nous aider à peser le pour et le contre, à trancher si nous sommes face à un dilemme par exemple. On y voit vraiment plus clair et on est plus sûr de nos choix. Le carré à Pluton, d'une part, nous ouvre les yeux et il nous rend extrêmement lucides. Il nous montre ce qui nous déplaît profondément, ce que nous voulons changer. Le trigone à Saturne, lui, est constructif. Il nous aide, il nous pousse à bâtir autrement, à établir des plans. Et ces plans sont à plus ou moins long terme d'ailleurs, en tout cas à bâtir des plans sur de nouvelles bases. Cela renforce cette idée de pleine lune rose qui nous pousse à nous débarrasser des dernières scories pour envisager un nouveau cycle qui prendra vraiment forme lors de la nouvelle lune suivante. Alors, la pleine lune, elle est également ici, le 16 avril 2022, bien reliée à Mars en poisson. Donc cela nous dynamise, cela nous pousse à agir. Mars en poisson, mais aussi Vénus, Jupiter et Neptune en poisson, nous apportent beaucoup de créativité et de foi en ce que nous faisons. Il y a aussi une idée d'amour universel, une envie de réunir nos forces, de nous entraider pour contrer l'adversité. Alors que ce soit sur un plan individuel ou collectif, c'est donc une pleine lune qui nous propose de réagir positivement pour nous débarrasser des contrariétés, des difficultés qui nous angoissent. Nous pouvons ainsi créer une réalité plus harmonieuse, plus en phase avec nos aspirations, plus sereine. Notons que le nœud lunaire nord est en taureau et il nous invite à cultiver la tranquillité, à trouver la paix, la sérénité, la confiance. Donc cette pleine lune, elle peut nous faire penser à l'accueil ou à l'aide que nous pouvons apporter aussi aux gens qui souffrent, aux foules en détresse, comme à un ami qui a besoin de nous, car si nous pouvons améliorer notre propre existence, eh bien nous pouvons aussi améliorer celle des autres. Alors tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés par cette pleine lune en balance sont les balances, les béliers, les gémeaux, les lions, les sagittaires, les verseaux, les cancers, les capricornes et les poissons. Mais vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope clin d'œil pour terminer cette analyse de la lune du 16 avril. Bélier, eh bien certaines choses vous semblent insupportables et vous n'y tenez plus. Vous prenez des décisions et vous agissez sans plus attendre pour changer la donne. Taureau, au travail, vous avez besoin de changer certaines besognes qui vous pèsent et vous consacrer davantage à des tâches plus créatives. Donc discutez-en avec vos collaborateurs, c'est le moment. Gémeaux, vous avez besoin de vous investir dans une mission ou un projet collectif. Vous pouvez servir efficacement une noble cause. Cancer, c'est le bon moment pour tourner une page pesante ou douloureuse du passé et commencer un nouveau cycle de vie. Croyez en votre bonne étoile. Lion, une amie, un ami, un voisin, une voisine, un frère, une sœur a besoin de vous. Alors montrez quel cœur généreux vous avez et s'il le faut, oubliez les rancœurs d'antan. Vierge, vous pouvez prendre de nouvelles dispositions par rapport à un contrat, une rentrée d'argent. De bonnes affaires vous attendent. Balance, vous êtes bien décidé à chasser les mauvais esprits de votre maison. C'est une façon de parler, mais cela signifie que vous vous relevez les manches pour améliorer votre existence et celle de votre entourage. Ami Scorpion, alors, vous concernant, c'est vrai que vous êtes inspiré et imaginatif. Vous chassez d'un revers de main les petits bobos de l'hiver. Votre morale est boostée. Sagittaire, vous êtes un peu dépassé par un flot d'émotions. Tout vous touche, tout vous émeut. Heureusement, vous réagissez et vous cherchez des solutions pour aider le plus de monde possible. Capricorne, vous avez besoin de revoir vos priorités entre travail et tâches familiales. Essayez de mieux rééquilibrer tout cela, car on vous réclame de partout. Verseau, une bonne nouvelle concernant un projet de voyage peut vous réjouir, mais peut aussi entraîner pas mal de dépenses. Et enfin, pour les amis poissons, eh bien, vous y voyez plus clair dans vos projets et vos plans financiers. Donc, n'hésitez pas à laisser tomber quelque chose de trop coûteux pour maintenir d'autres projets plus sensés. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour une vidéo concernant la prochaine nouvelle lune.